Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci ce soir. Papa, tu n'as jamais accent. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tous les autres règnes ont une fin un jour. Mais toi, tu règnes à jamais. Les règnes des maladies, les règnes des problèmes prendront fin un jour. Mais à jamais, toi, tu règnes. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous restons debout pendant quelques minutes, comme on a dit hier. Avant de commencer, ceux qui sont de ce côté lèvent la main vers la porte de l'avenue Moussonoï. Ceux qui sont au milieu lèvent la main vers la porte centrale. Et ceux qui sont de ce côté vers la porte de la SNCC, UCS, nous voulons prier. Bien-aimé, la victoire se joue à la porte. L'échec aussi se joue à la porte. Nous voulons proclamer la victoire sur toutes nos portes. Nous voulons que désormais, que Dieu contrôle les portes de cette église. Partout où ces portes peuvent arriver comme influence. Et que tout ce que l'ennemi a prévu, tout ce que l'ennemi a planté au port de cette église, nous voulons ce soir les annuler et les condamner au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Nous prions pour les portes de l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me prie. Si ta porte, tu pries. Élève ta voix et prie pour la porte. Détruis les puissants des ténèbres. Aux portes de l'église. Nous ouvrons les portes de l'église. Le temps est arrivé. Nous ouvrons les portes de l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec puissance et autorité, les nations se prosternent et les océans rugissent. Avec puissance et c'est lui qui entra par les portes. Qu'il soit touché par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je sanctifie les portes. Je sanctifie les portes. Je sanctifie les portes de cette église. Au nom de Jésus. Je les sanctifie. Je les sanctifie. Je les sanctifie. Je sanctifie toutes les portes de l'église. Je bénis les portes de cette église. Dans toutes les directions de l'église. Je condamne tous les plans des ténèbres aux portes de l'église. J'ouvre toutes les portes de l'église. À des grandes dimensions de cette église. À la grâce divine. Aux âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Merci Seigneur. Bénis cette église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un mystère qui se passe à la porte d'une maison. Il y a un mystère qui se passe à la porte d'une ville, à la porte d'un pays. Les portes sont les points d'entrée, sont aussi les points de sortie. Regardez ce qui se passe dans les aéroports, dans les ports, partout il y a l'entrée et la sortie. Et vous allez comprendre que même le monde a compris que quelqu'un qui prend ta porte, il te gère. Quelqu'un qui veut te détruire, il va gérer la porte. Cette semaine, chaque jour, nous prierons pour les portes de l'église. Vous savez, Jésus-Christ n'a pas choisi de mourir n'importe où. Il est mort à la porte de Jérusalem. Les gens qui entraient, les gens qui sortaient l'ont vu à la croix. C'est très important. La victoire s'est jouée à la porte. Et l'échec du diable s'est joué à la porte. Chaque soir, priez pour les portes de vos maisons. Dieu dit à Moïse, cette nuit je passerai. L'ange va passer. Mangez un agneau. Prenez le sang. Mettez sur les linteaux des portes. Alléluia. Parce qu'il y a un mystère. Celui qui gagne à la porte. Même la porte de ta vie. Ta bouche. Tes pensées. Ton cœur. Ce sont des choses que tu dois contrôler. Et c'est très important. Très important. Alléluia. Juges chapitre 7, verset 16. Juges chapitre 7, verset 16. Il divisa en trois corps les 300 hommes. Et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Ne soyons pas pressés en lisant la parole de Dieu. Parce que c'est là que nous comprenons les mystères que Dieu nous donne. Et qui nous aide pour notre vie. Il a divisé en trois parties l'armée que Dieu lui a donnée. 100, 100 et 100. Et à chaque groupe de sang, il a donné des trompettes. Il a donné des cruches vides. Pas des cruches pleines. Des cruches vides. Et il a donné des flambeaux qui étaient dans les cruches. Une cruche vide fait l'écho d'un bruit. Malheureusement, ici, je n'ai pas trouvé une cruche vide ou une bouteille vide ou un thermos vide. Quand vous tapez, vous entendez l'écho du bruit. Mais une cruche pleine ne fait pas ce bruit-là. Pourquoi donner les cruches vides? D'abord, une cruche vide, c'est-à-dire, elle peut être remplie. Donc, si une cruche est vide, on peut la remplir. Deuxièmement, une cruche vide émet un son. Et ce son-là, c'est un message. Et il est important, en temps de guerre, de comprendre certaines choses. Chacun de nous a une guerre à livrer contre un Madian de sa vie. Chacun de nous a un Madian dans sa vie. L'ennemi Madian, il a rendu Israël malheureux. L'ennemi Madian, quand Israël s'aimait, il venait avec les autres pour prendre la semence. Ce qui restait dans la terre, à la production, il venait prendre la production. Un ennemi qui vous prend et la semence et la production, il te rend malheureux. Il ne veut pas que tu sèmes. Et quand tu as semé, il arrache la production. Et il ne venait pas seul. Il prenait les autres peuples. Et la Bible dit qu'il venait comme une multitude de sauterelles. Et quand la Bible parle de sauterelles, il nous parle de trois types de sauterelles qui ont des dents différentes. Chaque type de sauterelle a un objectif par rapport au temps qu'il a. Et l'objectif, c'est de détruire. Et quand nous lisons la Bible, nous comprenons que les sauterelles travaillent en chaîne. Ce que la première sauterelle laisse par rapport au temps qu'elle a, la deuxième vient continuer par rapport au temps qu'elle a. Et la troisième vient achever. C'est une succession de malheurs. Et quand nous rentrons dans le livre de Joël, Dieu dit, est-ce que vous avez déjà entendu ces choses? Et Dieu dit que entre l'autel et le portique, les sacrificateurs pleurent. Parce que ce que le gelec laisse, le gazan l'achève, ce que le gazan laisse, le asile vient achever. Et nous devons prier. Prier. Nous avons dit hier, il n'y a pas de destinée sans combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un principe spirituel. Il n'y a pas de réussite dans la vie sans sacrifice. Sans sacrifice. Dieu lui-même, il a compris. Je dois sacrifier Jésus si je veux avoir le monde entier. Il a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Ton sacrifice va déterminer le niveau de ta bénédiction et de ta réussite. Il y a des gens qui pensent que quand je suis chrétien, c'est la grâce. C'est la grâce. Oui, la grâce d'être sauvé. Mais pour atteindre certains niveaux, il y a un sacrifice. Sans sacrifice, il y a des niveaux que tu n'atteindras pas. Sans sacrifice à l'école, tu n'auras pas de diplôme. Sans sacrifice, tu n'auras pas l'enfant à l'accouchement. Sans sacrifice, il y a des niveaux que tu n'atteindras jamais. Même le monde des ténèbres, ils ont fait des sacrifices. Faire tourner Bankuku. Ils ont fait tourner des poules. Il s'est dit, va maintenant. Il faut sacrifier quelque chose. Physique ou spirituel. Venir à l'église tel que vous venez, c'est un sacrifice. Oh, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas que vous n'avez rien à faire. Tu prends dans ton temps, tu en sacrifies une partie. Sans sacrifice, il y a des choses qu'on n'atteint jamais. Les différents niveaux dans la vie sont les différents niveaux de sacrifice. Il y en a qui laissent le sommeil pour atteindre certaines choses. Il y en a qui laissent le lit. Il y en a qui laissent la nourriture. Il y en a qui laissent la gloire. Jésus, dans Philippiens chapitre 2, la Bible nous dit, il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi que la souveraineté lui a donné un au-dessus de tout afin qu'on ait de Jésus sous genoux fléchis au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus s'est sacrifié. C'est pourquoi tu l'as élevé. Je comprends ça. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'y a pas de dimension sans sacrifice. Frères et sœurs, le temps est arrivé. La source féconde d'être une église. Les gens qui sont capables de se sacrifier pour le Seigneur. Frères et sœurs, il faut apprendre à se sacrifier. Alléluia. Alléluia. Il faut toujours un sacrifice dans la vie. Les cruches vides. La Bible nous parle de plusieurs personnes qui avaient des cruches. Plusieurs personnes. Alors, nous allons voir quelques personnes. Qui ont eu des cruches dans leur vie. Et vous allez comprendre ce que représente une cruche. Et pourquoi Dieu a demandé à Gédéon de donner les cruches aux militaires. Jean chapitre 4, verset 7. Et verset 28. Jean chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle avait une cruche pour puiser de l'eau. Et cette cruche-là représentait toute sa vie. En réalité, sa vie avait soif de certaines choses. À partir de la cruche de cette femme, on pouvait décrire la vie de cette femme. Elle venait seule avec sa cruche. Elle puisait de l'eau. Et c'est là qu'elle rencontre Jésus-Christ. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est qu'en réalité, il y avait une soif dans la vie de cette femme. Quelle était sa soif? Elle avait soif d'être honorée. Elle avait soif d'être respectée. Et c'est comme ça qu'elle partait seule. Quand il n'y avait personne. Parce qu'elle ne se sentait pas honorée par les autres. Mais quand elle arrive là, elle rencontre Jésus. Qui lui donne-moi à boire. Donc cette cruche, c'était la vie de cette femme. C'est comme ça quand on rencontre Jésus-Christ. Il remplit nos vies des choses qui vont étancher notre soif. Des choses qu'on n'avait pas. Et le verset 28, vous allez comprendre. Cette femme a laissé sa cruche au pied de Jésus-Christ. Quand sa vie était remplie. Bien, mais il y a des besoins qu'elle avait, mais elle ne savait pas exprimer. Elle ne savait pas exprimer. Elle n'avait que la cruche. Elle se promenait chaque jour. Toute sa vie avec la cruche. Elle allait puiser de l'eau. En réalité, c'est sa vie qui avait un problème. Ce n'était pas la cruche. Cette cruche représentait la vie. Et quand Jésus a rempli sa vie, elle a laissé la cruche. Elle est rentrée parmi son peuple. Donc la cruche, cette cruche vide, symbolisait la vie de cette femme. Je prends un autre exemple. Jean chapitre 2, verset 6 à 10. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez de ces vases et les remplir jusqu'au bout. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avait puisé l'eau le savait bien. Alléluia. Il y avait 6 vases. Pendant la fête, les vases étaient dehors. Et pendant la fête, y a eu un problème. Il arrive dans la marche d'une famille, d'une maison, d'une église, d'une nation. À un moment donné, les choses ne marchent pas. Les choses ne tournent plus rond. Pour résoudre des cas comme ça, il faut que cette nation, cette maison, ne soit pas loin des vases et des cruches que Dieu peut remplir. Pour donner la solution, pour servir les gens qui n'ont plus de joie. Le monde souffre parce que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous ne réalisons pas que nous sommes des cruches que Dieu veut remplir pour résoudre le problème. Nous passons le temps, nous nous plaignons, les gens meurent, les familles meurent. Il fallait que Jésus trouve ces vases pour résoudre le problème et remettre la joie. La Bible nous parle aussi de Rebecca. Dans Genèse au chapitre 24, je pense. Quand elle arrive au puits, elle a sa cruche. Et cette cruche était la réponse à la prière du serviteur d'Abraham. Donc c'était la réponse de Dieu pour donner le mariage à Isaac. C'était la réponse de Dieu pour entériner et commencer la promesse. Quand elle a donné, elle a puisé la de l'eau, elle a donné au serviteur. Elle a dit, non, attends, je vais m'épuiser pour donner à ces chameaux. L'homme a compris que Dieu a répondu à sa prière. Donc la cruche, c'est une réponse de Dieu. C'est une solution. C'est un soulagement. C'était une solution à un problème. C'était toute une vie. Donc, il y a des choses que nous devons enseigner à l'Église. Je donne un cas. Luc chapitre 22, versets 7 à 12. Luc chapitre 22, versets 7 Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Verset 11. Et vous direz au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Alléluia. Ici, je veux dire certaines choses. Je sais qu'il y a beaucoup de messages que beaucoup d'hommes de Dieu prêchent autour de ça. Mais regardez, Jésus n'avait pas de maison. Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme n'avait rien où poser sa tête. Mais le temps pour la Pâque arrive. On lui pose la question. Où est-ce qu'on va manger la Pâque? Jésus dit, il appelle Pierre et Jean. Il dit, ok, regardez ce que vous allez faire. Vous allez entrer dans la ville. Vous allez rencontrer un homme qui porte une cruche sur sa tête. Ne lui posez pas des questions. Ne lui posez pas des questions. Suivez-le seulement. Quand vous voyez cet homme avec sa cruche, ne lui posez pas des questions. Suivez-le. Suivez-le. Il va entrer dans une maison. Et dans cette maison-là, il va trouver le maître de la maison. Et il va lui dire, le maître nous envoie pour que tu nous montres là où il va manger la Pâque. J'ouvre une parenthèse. Une cruche avec de l'eau. Cet homme, vous allez le suivre. Quand il arrive dans la maison, ce n'est pas sa maison. Il vous a seulement aidé à entrer dans la maison. À un propriétaire. Mais bien aimé, quand Dieu vous donne des responsabilités, quand les gens vous suivent pour venir à l'église, l'église a un propriétaire. L'église a son maître. Il y a des gens, quand les gens le suivent, parce qu'ils portent une cruche, parce qu'ils portent une responsabilité, parce qu'ils portent un don, parce qu'il porte un ministère, quand il arrive à l'église, il pense que les gens qui l'ont suivi, ce sont ces hommes. Non, bien-aimés, ils te suivent parce qu'ils veulent arriver dans la maison et rencontrer le maître de la maison. Alléluia. Responsabilité. Tes dons, tes grâces, ton ministère. C'est seulement pour conduire les gens. C'est le maître de la maison. Si tu les dévies, tu n'auras servi à rien. Église, mes frères, mes soeurs, nous devons remettre l'évangile dans le bon sens. Et beaucoup de gens ont oublié que quand on porte une cruche, c'est pour conduire les gens chez le propriétaire de la maison. Ici, une cruche pleine représente les responsabilités, représente les dons, représente ceci. Même le Saint-Esprit, il nous conduit chez le propriétaire de la maison. N'oubliez jamais que quand les gens vous suivent, c'est pour le conduire chez le propriétaire de la maison. Dieu dit à Gédéon, divise l'armée en trois parties. Tu leur donnes des trompettes, des cruches vides et des torches, des flambeaux. Drôle d'armes que Dieu donne à Gédéon. Devant un ennemi, chacun de nous a un Madian à combattre ce soir. A un ennemi à combattre ce soir. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de destinée sans combat. Mais les armes, laisse Dieu te les donner. La trompette, comme je l'ai dit hier, toute armée sur la terre a une trompette. Et quand la trompette ne donne pas un bon son, on ne sait pas se préparer au combat. Et quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens chapitre 4, Apocalypse chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, 11, la trompette fixe le changement de temps. Fixe le temps. Le combat s'est fait en un temps donné. C'est comme ça qu'il faut bien discerner le temps que Dieu te donne. Et la victoire se fait en un temps donné. Aujourd'hui, nous parlons des cruches. Hier, on a parlé des tempêtes. Jérémie, chapitre 19, verset 1er. Et verset 10 à 11. Ainsi a parlé l'Éternel. Va acheter d'un potier un vase de terre. Et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Tu briseras ensuite le vase. Sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville. Comme on brise un vase de potier sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on entrera les morts à Tophet par défaut de place pour entier. Un vase vide, une cruche vide. C'est-à-dire que si elle tombe par terre, elle peut se briser. Et Dieu dit à Jérémie, ces cruches vides que tu vois, c'est ça la vie d'Israël. Je les briserai. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un s'il n'a pas brisé Donc le brisement, c'est une force. C'est une force. Il y a des caractères qui doivent être brisés. Nos vies doivent être brisées. Frères et sœurs, remarquez très bien, les flambeaux étaient dans les cruches. Aussi longtemps que les cruches n'étaient pas brisées, les flambeaux n'étaient pas utilisés. Il fallait d'abord briser les cruches. Frères et sœurs, nous disons que nous sommes la lumière du monde. Aussi longtemps que nos vies ne sont pas brisées, le monde ne voit pas la lumière de l'église. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de chrétiens, mais le monde cherche toujours où est Dieu. Pourquoi les cruches ne sont pas brisées, les vies ne sont pas brisées, les gens parlent, les gens prient, les gens font des offrandes, mais nos vies ne sont pas brisées. On ne voit en rien que nous sommes enfants de Dieu, ni dans la famille, ni sur la rue, encore sur la rue. Là, c'est encore grave. On ne voit rien. Lisez les réveils de Luther. Lisez les réveils en Angleterre. Qu'elle entre en prison, toute la prison est convertie. Qu'elle monte dans un bus, tous les bus sont convertis. Nous sommes dans des familles, nous sommes dans les chorales, nous sommes dans l'église. Nous faisons des gens beaucoup plus païens qu'ils l'étaient avant. C'est l'appel à l'église, bien-aimé. C'est l'appel pour les enfants de Dieu. Les cruches étaient appelées à être brisées. Les cruches étaient appelées à être brisées. Quand nous rentrons dans notre texte de Juges, vous allez voir quelque chose. Au verset 16, on nous dit, il a donné les trompettes, les cruches vides et les flambeaux dans les cruches. Verset 19, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Il y a certains combats dans la vie. On ne peut les remporter que si nos vies sont brisées. Une vie brisée, on voit les fruits de Dieu. On voit le caractère de Dieu. Nous venons à l'église, c'est déjà bien. Mais laissons le Seigneur nous briser. On peut te piétiner. Tu es déjà brisé. En fait, tu es déjà mort. Le mort ne réagit pas. Même si vous le fouettez. Remarquez, quand on lave les morts, on les tourne dans tous les sens. Il ne dit rien. On fait des choses qu'il ne demandait pas. Il ne dit rien. Il est déjà mort. Oh bien-aimé, que Dieu puisse nous aider. Verset 20. Les trois corps sonnèrent de la trompette. Donc quand ils ont sonné de la trompette, pour dire, il est temps pour le combat. Bien-aimé, il est temps pour le combat. Dans ta vie, dans la famille, dans l'église, dans ce monde, c'est le temps du combat. Quand c'était le temps, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont brisé les cruches. Ne pars pas au combat sans briser ta vie. Comme j'ai dit hier, parfois il faut écouter des choses qui nous interpellent. Ils ont brisé les cruches. Et regardez très bien. Ils ont brisé les cruches. Il leur restait deux choses seulement. Les flambeaux dans la main gauche et les trompettes dans la main droite. Avant de crier, on n'est pas encore arrivé là. Ils avaient trois choses, mais pour commencer la guerre, une chose doit disparaître. La cruche doit être brisée. Nos vies doivent être brisées. Et seulement il leur restait deux choses. Ce qui est intéressant en méditant la parole de Dieu, vous allez voir que les flambeaux étaient dans la cruche. La lumière, nous sommes le sel et la lumière du monde. Mais pour que la lumière se manifeste, il fallait briser la cruche. Ta lumière à toi, pour qu'elle brille, pour que le monde la voie, la cruche doit être brisée. Nos vies doivent être brisées. J'aimais ce que le pasteur Freddy disait ici un jour. À ce moment, Mangunguna imani na chana. Musanfra imani na chana. Pour que la lumière, la torche devait rester dans la main gauche. Et la trompette dans la main droite. Parce qu'on n'a que deux mains. On ne pouvait pas avoir trois instruments. Mais pour sortir la torche, il fallait briser la cruche. Donc ils ont laissé les cruches se briser. Une enfant m'a quêlé. Frères et sœurs, Maïsaïet, oh, nos vies vont être brisées. On n'est pas pressé. Si la vie est brisée, Dieu fera briller ta lumière. Alléluia. Dieu fera briller la lumière. Ô Église, je dis que cette semaine, on va enseigner des choses un peu pas habituelles. Recevez, on va recevoir. Mais que nos vies soient brisées. Que nos vies soient brisées. Mais ils sont en face de l'ennemi. L'ennemi est en face de nous. Nous avons une guerre. Je sais que demain, on va prendre beaucoup de temps. Mais avant, les cruches doivent être brisées. Et pour que la cruche soit brisée, Elle doit être vide. C'est comme ça que Bamingi Moumakanisa, tout chaque yala. À chaque. Lisez Proverbe, on n'a pas le temps de lire. L'orgueil, c'est une mauvaise chose. Dieu aime des gens vides. Les vies vides. Dieu peut les remplir. Pour résoudre les problèmes des gens. Dans les vies vides, quand elles se brisent, la lumière peut sortir. Des moments comme ça, il faut se poser la question. Est-ce que je suis brisé? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? Chaque dimension dans la vie exige un caractère particulier. Dieu qui t'appelle à une dimension donnée. Il y a des choses que tu dois faire avec ta vie aujourd'hui. Et quand nous prions, j'aimerais que chacun dise à Dieu, Seigneur, voilà. Tu m'appelles à cette dimension. Brise-moi. Pour que je convienne. Pour que je convienne. Et une couche vide, elle est facile à transporter, n'est-ce pas? Dieu peut te transporter partout. Il peut te transporter partout. Vous verrez des gens, parfois on fait beaucoup de temps à l'église. Mais Dieu ne sait pas te transporter. Parce que tu es rempli. Ce soir, j'ai voulu que, quand je méditais cette parole, je me suis dit, non, vendredi, c'est un jour de prière, c'est vrai. Mais nous nous préparons pour le combat. Il faut briser les cruches. Il y a une différence entre la repentance et le brisement. Tu peux faire une faute. Tu te repens. Tu demandes pardon. Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Nous demandons pardon. Mais quelqu'un qui est brisé, c'est quelque chose qui devient sa vie, qui devient son caractère. Et c'est comme ça que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, c'est dans Galates, je vis dans la foi de celui qui m'a aimé. Donc quand vous le regardez, c'est pas lui, c'est Christ. Comme je l'ai dit toujours, Dieu est tellement saint que toi-même quand tu entres dans la maison, tu le regardes. Tu dis non, ma place n'est pas ici. Quand quelqu'un est brisé, quand une vie est brisée, frères et sœurs, monekala tunai, aseme, asiseme, au moins aseme non non, ouyou, nous mon Christ. Comment donc les gens, est-ce que vous êtes comme Christ? Rentre seulement pleurer, ne chasse plus les démons. Rentre seulement pleurer. Parce que quand la vie est brisée, la lumière, la torche sort à la place de la cruche. C'était la lumière. À la place de ta vie, on verra la lumière. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le monde a des problèmes parce que l'Église, nous avons des problèmes. Ce n'est pas le monde qui a des problèmes. Ce n'est pas le monde qui a échoué. Même dans ce pays, dans le monde entier, ce n'est pas le monde. C'est l'Église, c'est nous qui avons des problèmes. Nous ne sommes pas brisés. On nous reconnaît chrétiens seulement quand on arrive à l'Église. C'est plus facile de savoir que c'est quelqu'un qui est chrétien. Ne le regardez pas lui. Regardez ses amis. Regardez son travail. Comment il mange. Là où il vit. Concluez vous-même. De toute façon, qui s'assemble, se ressemble. Non. Qui se ressemble, s'assemble. Qui s'assemble, se ressemble. Bon. Français, il est mon adjour. Non, bien-aimé, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, j'ai voulu que nous prenions un peu de temps. Je sais que il y a eu plusieurs étapes pour arriver au brisement des cruches. Il fallait éliminer d'abord 22 000 personnes. Et puis, il fallait éliminer encore des gens. Il fallait garder seulement 300 personnes sur 30, sur 32 000. Et c'est avec ces gens que Dieu a donné des cruches. Donc vous allez comprendre que ce n'est pas pour beaucoup de gens. Même dans l'église, 300 sur 32, prenons 300 sur 30 000, ça fait un centième. Un centième dans une église. Dieu va les bantouer ce qu'on a maïsé qu'on brise. Mais là n'est pas le problème, le nombre. Mais malgré tout, nous aurons la victoire. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on prie. Ça, c'est notre premier sujet de prière. Prends la position que tu veux. Dis, Seigneur, me voici. Il y a un travail à faire en moi. Il y a un travail à faire en moi. Il y a un travail à faire en moi. Alors, j'aimerais que ça soit ça, notre. Ça, c'est des moments où tu parles à Dieu. Tu pries. Et après, nous allons parler d'autres sujets. Nous inclinons en prière. Libosua Kitina yo toi kokuma melaya. Yahweh Ozali Bolingo Yasolo Bolamu. Seko Yahweh on dit ma pisole de tous ali otambola bosantu boy Yahweh. sali bolingo ya solo bolamu boyo bomela seko yawe otima misolo lenge tozali tokabola bosantu bayo. Dieu veut partager sa divinité avec toi. Dieu veut partager sa divinité avec toi. Dieu veut partager sa divinité avec toi. Il veut te recevoir tel que tu es. Tel que nous sommes. Mais maintenant que tu pries, c'est un moment qui va délivrer l'église. Qui va délivrer ta vie. Et devant l'ennemi, ta vie sera brisée. Il n'aura rien à voir dans ta vie. Il n'aura rien à dire dans ta vie. Oh bien-aimé, Jacob, pour vaincre Esaü, Dieu devait briser les anses. Ce soir, il y a des sceaux que Dieu va briser. Parce qu'il y a un ennemi que nous devons vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Il y a un ennemi à vaincre. Il y a un ennemi à vaincre. Il y a un ennemi à vaincre ce soir. Que nos vies soient brisées. Debout dans l'église, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en train de nous préparer à quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Jacob a un problème. Ésaü vient lourdement armé. Ce soir, il y a dans ta vie des ennemis qui viennent lourdement armés. Il a essayé de corrompre. Il a essayé d'utiliser son argent. Ça n'a pas marché. Il a compris une chose. Je dois me retirer avec le Seigneur. Jacob a passé la nuit dans la prière. Et quand Dieu lui a demandé, quel est ton nom? Il n'a pas dit que je m'appelais Esaü. Je m'appelle Jacob. Dieu lui a dit, tu seras appelé Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. Et tu as été vainqueur. La victoire, ce jour-là, tu as brisé les langes de Jacob. Ce soir, tu veux briser quelque chose dans ta vie pour te donner la victoire face aux ennemis. En train d'arriver dans ta vie, dans tu vas lutter avec Dieu. Tu vas dire réellement qui tu es devant Dieu. Tu vas dire qui tu es devant Dieu. C'est fondamental. Tu vas lutter avec Dieu. Et Dieu te demande quel est ton nom. Commence à prier. Ce soir, Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce soir. Tu vas sonner de la trompette. Tu vas déclarer dans ta vie que c'est aujourd'hui le jour de ta victoire. Que c'est aujourd'hui le temps de ta victoire. Tu vas proclamer cette victoire dans tous les domaines de ta vie. Si tu es malade, proclame la guérison. Si tu as des problèmes, proclame la réussi. On nous reprend la même chanson. Tu n'as rien à proclamer la victoire. Sonner de la trompette. Tu vas taper les mains. Et proclamer la victoire. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Sonne de la trompette. Dis que ce n'est temps. Ce n'est temps de ta vie. Ce n'est temps de ta vie. C'est le temps de ta vie. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire dans ma vie. C'est pourquoi ce soir, je condamne Yahweh. Je condamne Yahweh. Je condamne la maladie. Yahweh, au nom de Dieu. De Jésus. Continue à prier, bien-aimé. Endelea kuomba. Continue à prier. Endelea. Continue à prier. Endelea. C'est aujourd'hui le jour de ta victoire. Le jour de ta victoire. Le jour de la victoire. Proclame la victoire dans ta maison. Proclame la victoire sur la maladie. Proclame la victoire sur les problèmes. Sur l'ennemi qui vient. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais quelques sujets de prière, deux ou trois, et puis nous allons terminer. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite. Prie avec moi. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Ina proclamé. Victoire. Victoire. Ta malaria yote. Ta malaria yote. Isaya. Uba Isaya. Nyumba ya. Nyumba ya. Watoto ya. Watoto ya. Onode. Yes. Onode. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire ta main. Dis Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mangaribia leo. Mangaribia giza leo. Yote. Giza yote. Mumaisha yangu. Mumaisha yangu. Kando kando yangu. Kando kando yangu. Leo. Leo. Tuko naishimamisha. Tuko naishimamisha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Komanza pri. Anza kuomba. Giza yanguke. Anza kuomba. Yanguke. Pri. Yanguke mangaribia leo. Pa maisha yangu. Yanguke, kunyumba yangu, yanguke, makazi yangu, yanguke, kuikarisa, yanguke, mwili yangu, katika jina la Yesu, yote nimeitayarisha, kazi ya giza, leo, leo, nireyangusa, nireyangusa, kujina la Yesu, kujina la Yesu, kujina la Yesu, kujina la Yesu, kujina la Yesu, kujina la Yesu, giza yanguke. Merci. Merci. Yahweh, merci. Oh, il est là. Le Saint-Esprit est là ce soir. Oui, il est là, le Saint-Esprit est là. Il veut donner la victoire. Il veut donner la victoire. Il est de vie ce soir. Dieu m'a donné la victoire. Toutes les ténèbres vont tomber. Ce soir, ta vie sera éclairée. Les ténèbres de ta vie, je déclare, ce soir, ils sont tombés. Au nom de Jésus, oui, Saint-Esprit, souffle dans la salle, souffle en ce moment, donne la victoire. Là où il y avait les échecs, donne la victoire. Là où il y avait les ténèbres, donne la lumière. Dieu de gloire, oui, il est là. Dieu comme, oh merci. Ah, alléluia. Nom de Jésus, alléluia. Ah. Alléluia. Il est là. Alléluia. Eh, Jésus. Oui. Il est là. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Dieu. Nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Accenté Rome Takata. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus. Oui. Dieu. Touche. Goussa, ça. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle. Pardon. Merci. Oui, il y a des choses qui doivent tomber ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Oui, nous passons aux offrandes. Dieu, tu n'as pas été comme avec la chorale.